Salut, tu es bien sur le répondeur de Yula Slipovich. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais tu pourras me retrouver en téléchargeant